La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien la meilleure des chances pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien, situés au 905 Boulevard Hamel, numéro de téléphone 418-679-4194. Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. On va parler avec Gilles Péloquin, la voix, Monsieur Ligue nord-américaine, la voix de la Ligue nord-américaine. Salut Gilles! Hey, bonne journée. Gilles, tu me dis, on va parler de tout, il y a de grosses nouvelles. Robert Val, ça a l'air, ça a bien été, comme rencontre. Je te prends pas encore au sérieux, j'ai encore bien de la misère à prendre ça au sérieux. Il y a une nouvelle ville dont je ne peux parler, qui est entrée sur les rangs au cours des dernières heures, que personne n'a jamais parlé dans les pourparlers. Et de plus en plus, je vois Danny se dessiner un scénario. Je pense que le message qu'on avait lancé aux commissaires, les propriétaires, les six, à Richard Martel, d'aller chercher deux nouvelles concessions pour la prochaine saison et monter à 8 clubs, c'est fait. Je pense qu'en ce moment, avec le succès de ce qui se dégage en coulisses, et c'est ce qu'il faut, on prépare déjà un deuxième scénario, celui des 9e et 10e concessions pour 2019-2020. Et ça, c'est mon humble point de vue, mais je pense que je ne me suis pas trompé de beaucoup au cours de la saison. Donc, Berlin, New Hampshire, sous le vocable des Black Jacks, c'était à 85% fait pour la prochaine saison. C'est une danse qui se fait à deux. Maintenant, la balle n'est plus dans le camp des propriétaires américains, mais des six propriétaires canadiens de la Ligue nord-américaine. Eux, l'aréna contient 800 spectateurs assis. On peut ajouter des loges, 1000 spectateurs. On ferait nos frais. Et d'autant plus, Black Jack ne vient pas pour rien. Monsieur Balecki, lorsque je lui parlais en ondes... Black Jack, c'est Black Jack, tu dis c'est pas Berlin, c'est Black Jack, c'est deux villes différentes? Non, les Black Jack de Berlin... Ah, ok, excuse-moi, que c'est beau. Et Black Jack vient du fait que, lorsque Monsieur Balecki me parlait en ondes, il me disait, notre commanditaire majeur est propriétaire d'un des plus gros casinos du New Hampshire. Oh, ça va avoir de l'argent, ça? À Trois-Rivières, il y a eu trois des petits clubs. Pierre-du-Loup, Trois-Rivières, puis Sorel, il disait, j'aime beaucoup mieux le calibre des vite. À Sorel, il y a eu deux combats en début de match. On avait mis la table, peut-être pour eux, ça vient à donner, tu vas me dire. Alors, on a eu de l'action de bons gardiens de but. Il m'a tout raconté ça. Il dit, c'était pas dans la Ligue fédérale. C'est une ligue qui s'apparente peut-être à plus petit, oui, comme la Ligue senior, 3 du Québec, qu'à plus gros. Et la East Coast, et là, d'après ce qu'il dit, on se situe au milieu, nous, entre les deux. Et c'est ce calibre-là qu'il aime. Donc, il est là, lui, comme un, avec un adjoint, deux propriétaires des cinq, mais le gros bout du bat appartient au gars qui a les casinos. Et lui, ben déjà, il m'a montré les couleurs. C'est un as de pique sur les épaules, noir, et c'est le roi de cœur. Rouge, jaune, noir et blanc, Blackjack de Berlin. Puis il dit, nous autres, là, les 800 spectateurs, quand on les a dans l'aréna, ils sont pas assis, mon chum. Ils sont debout. C'est la fête. On aime le hockey. On est fanatiques. Donc, 1000 spectateurs, c'est pas un problème. Retenez ce que je vais te dire, là. Je te parle de 800 000, là. Même ouais. Robert Val, c'est une belle rencontre vendredi. D'ailleurs, le commissaire m'a appelé dans l'après-midi pour me dire que c'était plus long que prévu. Le maire était très réceptif. Puis il n'y a pas de fumée sans feu parce que je t'ai appelé par la suite, Danny, je t'ai dit... En après-midi, l'ancien maire, qui qui est président du club d'hockey junior de Hop. Guy Larouche. Pour les gens qui se posent la question, c'est Guy Larouche. Avait annoncé à Michel Thibault à la radio de CKJ Jonquière, il y en a plus l'an prochain, on greffe deux équipes. Nous, Robert Valls et Alba, one team, une équipe. Donc, la porte est ouverte à qui veut bien la prendre. Il y en a qui ont parlé sur les médias sociaux. Ah, ça serait mieux, tu mets déjà 300-400 spectateurs, c'est parfait pour l'aréna de Robert Valls. Tu peux pas aller avec du média 3, deux clubs dans un territoire de Québec, de Hockey Québec. Parce que déjà, vous avez à Jonquière les élites média 3. Quand ils vont être là, tu ne peux pas aller ailleurs avec une autre équipe. Donc, c'est réglé. L'aréna de Robert Valls est disponible. Maintenant, il reste à voir qui veut bien attirer 800 à 1000 spectateurs. Tu me suis toujours. Je te parle de 800 à 1000 spectateurs. Et là, on apprenait aujourd'hui que nous, on savait en coulisses qui va être décidé à l'Assemblée générale annuelle de mai prochain, qui va clôturer la saison et préparer la prochaine et les suivantes, les budgets d'opération. Trois-Rivières, en début d'année, j'y étais. C'était 850 000. On veut ça baisse. En moyenne, entre 700 et 850 000, les budgets d'opération d'une équipe pour une saison de 40 matchs écourté à 36 cette année pour 6 clubs. L'an prochain, et c'est aujourd'hui sorti dans le quotidien de Jonquière, on veut aller à 550 000 comme budget d'opération. Donc, on va couper ce qui était jadis des salaires par match pour 19 joueurs habillés de 7 500. C'est tombé cette année dans certaines équipes à 6 500 et dans même deux en ce moment présent à 6 000. Et on va peut-être aller à 5 000, 5 500 l'an prochain. Donc, au lieu de jouer ou de penser avec un gros budget de 850 000 par opération, par équipe, et 1200 spectateurs, sinon on perd de l'argent, on a une moyenne aujourd'hui même, après 20 des 22 semaines d'opération, après 97 des 108 matchs, de 1,008, 1008 spectateurs. Donc, faut maintenant que les bons de la Ligue nord-américaine pensent qu'à 900 spectateurs, ils sont heureux, à 950, ils font un peu de scène, puis à 1000, ben, ils vont être béni des dieux. Et c'est là-dessus que tu t'en vas maintenant, avec des amphithéâtres. Laisse les amphithéâtres de 2000, t'es dépassé. Maintenant, ta moyenne est 1000 dans la Ligue nord-américaine. C'est plus 1500. Non, mais je voyais. La situation demeure Jonquière, mais ailleurs, partout, ça joue à 1000. Donc, on s'en va maintenant des amphithéâtres de 800, 850 places, peut-être avec des loges, 200 personnes debout, on fait son 1000, on est heureux. C'est là la nouvelle tangente de la Ligue nord-américaine. C'est là que, puis je voyais, puis c'est sûr, mais j'ai encore des doutes. Écoute. Ben, t'as le droit. C'est pas que je veux pas, parce que probablement que ça va me donner beaucoup de Robert Valls, c'est dans mon territoire. Si jamais il y a une équipe à Robert Valls, je peux-tu te dire qu'il y a des grosses chances que, à tout le moins, je sais pas si je vais diffuser, radio-diffuser les matchs, mais ça va prendre un diffuseur, puis c'est pas Planète à Robert Valls qui va diffuser les matchs. En tout cas, tout le moins, je le pense pas. Remarque, t'es pas obligé de les diffuser non plus. Il y a deux équipes cette année dans deux grands matchs. Ouais, mais ça ferait comme bien aussi. Mais ça ferait. Rivière et Rivière-du-Loup qui ne le font pas. Mais ça ferait bien pareil. Il y a un marché qui le font. Et il y a un seul marché des six qui permet des reportages à la maison pour ses auditeurs qui travaillent les soirs de matchs locaux. C'est Sorel. Donc, faut pas s'en faire avec ça, là. Non. Mais cependant, remarque que de plus en plus la tangente veut que les villes de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, l'ancienne Lorette, Berlin, Robert Valls, c'est dans le collimateur, Saint-Roch-de-la-Chigan également, et une ville dont on ne peut pas parler pour l'instant parce qu'ils sont en réflexion. Lévis, c'est ça? Si moi, je suis le père Foura, comme on disait si bien dans le temps de cette belle télésérie à Télémétropole, à TVA, qui se faisait en France, là, tu te rappelles, là? Eh bien, moi, je te dis que dans ma boule de cristal, je vois Saint-Jean comme sixième équipe. Je vois également l'arrivée de Berlin comme nouvelle franchise, septième. Et je vois comme huitième, ça va jouer entre Robert Valls et l'ancienne Lorette. Et pour la deuxième année, 2019-2020, ça va être soit l'ancienne Lorette ou Robert Valls, avec l'addition peut-être de Saint-Roch-de-la-Chigan ou la ville mystère. Et là, personne, quand je leur dis tout ça, ne me dit « Saint-Jean, c'est quoi Saint-Jean? » Saint-Jean, c'est pas compliqué. Saint-Jean, c'est Trois-Rivières qui va déménager là. Et je vous gage un café là-dessus. Gilles, c'est parce que c'est bien beau tout ça, Mais est-ce que les gens sont sérieux? C'est-tu des propriétaires sérieux, solides? Moi, je trouve que ça va vite pour ça va vite pour de l'expansion. Ils sont actuellement là ou tu parles de ceux qui veulent venir? Ceux qui veulent venir. Berlin, ça semble très solide, tu m'as l'as dit, là. C'est un casino. Berlin, ça, j'ai aucun problème okay. avec ça. Robert Val, je ne les connais pas. Moi, j'ai deux sources. J'ai une source qui me dit que c'est Robert Val qui a appelé le commissaire pour le rencontrer et il s'en vient politicien, le commissaire. Le maire a dit non, maire. C'est un bon politicien, il a dit, ben non, c'est eux qui m'ont appelé pour me rencontrer. Écoute, finalement, ils se sont rencontrés, donc, il y en a un des deux qui a appelé, ou il y a quelqu'un qui a appelé pour les deux. Ouais. Ça s'est rencontré, puis ça a été positif, tellement positif que dans l'après-midi, on enlève une équipe de l'aréna pour dire, hey, l'aréna est libre, faites-en ce que vous voulez, on vous la donne. C'est parce que Robert Val, je verrais beaucoup plus une équipe. Ce serait plus. Trouver un homme d'affaires sérieux qui est prêt à prendre la concession en main. On me dit qu'il y en a des gens sérieux. Et fortuné à Robert Val qui adore le hockey. Maintenant commissaire à continuer à vendre son produit, qui est très bon d'ailleurs, et qui a plu aux gens de Berlin en fin de semaine dernière. Maintenant, j'espère que les dirigeants ou ceux qui sont en secret ou pilotés par le maire de Robert Val vont voir des matchs à Jonquière et apprécient le spectacle. Parce que cette année, si ça va bien, puis il y a des villes qui sortent comme ça, la raison en est simple. On a du très beau hockey. En ce moment, il y a toujours trois équipes qui peuvent terminer troisième. Il reste à jouer 11 matchs au calendrier. Ça peut se décider au dernier match de l'année, les positions 4 et 5 ou 3 et 4 et 5. Ouais. Écoutez, c'est du beau hockey, là. On ne peut pas dire rien contre ça cette année. Okay. Et depuis la deuxième moitié de saison, depuis janvier, il y a eu de plus en plus qu'il n'y avait pas en première moitié des combats. Et malgré tout ça, Danny, moi qui est un malade des statistiques et des chiffres et qui fait les statistiques pour la Ligue nord-américaine, je m'aperçois qu'en deuxième moitié de saison, il y a moins de monde dans les amphithéâtres qu'en première moitié. Moi, j'étais un peu surpris de ça. Je l'ai vu ton bilan. J'ai vu ça aujourd'hui passer, puis j'étais un peu surpris parce qu'on s'attendait que ça allait monter. Mais ça, c'est dans la tendance de tout ce qui se passe. Il n'y a rien de surprenant de ça, là. Non, c'est une année charnière où il y a eu des coupures dans certains dossiers. On a ramené certains autres dossiers, mais on avait demandé deux nouvelles franchises. Le commissaire, il a fait la job. Mmh. Il y a cinq villes, puis il y en a une sixième là, qui a fait son toc-toc-toc aujourd'hui pour dire « C'est quoi ça prend? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les charges? Combien ça coûte? Puis comment ça fonctionne? » Donc, Denis Leblanc pilotait vendredi dernier à Sorel avec Christian Deschênes, porte-parole des propriétaires à Berlin. Pendant ce temps, le commissaire, lui, était du côté de Robert Val. Puis en coulisses, bien, il y a les gens de l'ancienne Lorette qui ont le dossier, qui l'étudient. Il y a Saint-Roch-de-la-Chigan qui l'étudie. Et moi, pour avoir parlé lors du match de vendredi dernier à Sorel avec le propriétaire de Trois-Rivières, Étienne Boileau, je lui ai dit, tu t'en vas à Saint-Jean l'an prochain? Il m'a confirmé, oui, j'ai une lettre d'intention qui a été envoyée à la ville de Saint-Jean comme quoi je veux me porter garantie d'une équipe de la Ligue nord-américaine là. Je lui ai dit, est-ce que tu prends la liste des joueurs de Laval et tu t'appropries ces joueurs? Il m'a dit non. J'ai dit, est-ce que tu vas avoir des joueurs que tu vas aller chercher parmi ceux qu'on va laisser de côté pour former une équipe d'expansion? Il m'a dit, je ne veux pas arriver à ça. J'aime mon groupe de joueurs que j'ai en ce moment à Trois-Rivières. J'ai 16 des 24 joueurs qui sont des gars de Montréal. Saint-Jean est à 30 minutes. Si tu es dans ma peau, tu fais quoi? Ouais. Je lui ai répondu, j'amène l'équipe de Trois-Rivières à Saint-Jean, c'est des gars de Montréal. Parce qu'à Trois-Rivières, les chiffres encore ce matin l'évoquent, c'est pire que l'an passé, et pourtant, je dois leur donner cette année crédit. Ils ont une bonne équipe, ils ont tout fait en marketing et promotion. On a entendu parler en bien ou en mal, mais on a entendu parler du mot draveur comme jamais depuis 5 ans, et le gâteau lève pas. Mais non, ça ne veut pas lever à Trois-Rivières. Donc, lui, il va perdre à peu près 120 000. Son prédécesseur, M. Lavertu, a perdu en moyenne 115 000 par année. Je suis pas sûr que Danny Veilleux ou Gilles Péloquin veulent aller perdre 125 000 par année à Trois-Rivières. Ouais, non, c'est clair. Fait que, mais ce qu'on me dit, moi, à Trois-Rivières, dans le cas de Trois-Rivières, ce qu'on me dit, c'est que les gens aiment mieux avoir de la bagarre. Il y a une ligue, hein, Mauricie, là. Il y a la ligue senior. Ouais, ça a l'air qu'apparemment qu'on aime mieux ça que. Que Trois-Rivières est mal positionné. La Tuque, Cap-la-Madeleine, Saint-Léonard-d'Ashton, Saint-Cyril-de-Wendover, Louisville et juste de l'autre côté du fleuve, face à Trois-Rivières, Bécancour, 6 des 10 villes du Seigneur 3 sont là, à 8 piastres du ticket, 4-5 bagarres assurées. Donc, qu'est-ce que tu penses, pauvre Trois-Rivières, Ligue nord-américaine? Tout près également au Cap Midget 3A et Collégial 2A, à côté, à 20 km, Shawinigan Junior Majeur, ouais. Et dans la même cour, dans le même vestiaire, dans le même édifice, universitaire, patriote de l'UQTR. Tu as 6 ligues de hockey, Danny, 10 clubs de hockey différents. Ton portefeuille, là, il ne divise pas en 10 quand tu vas un vendredi ou un samedi voir un match. T'en vois un, t'en vois pas deux. Ouais, c'est clair. Vas-y avec ton bilan que tu as sorti sur les médias sociaux aujourd'hui concernant les assistances. Tu l'as effleuré un peu l'esprit, mais c'est à la baisse. Ben, écoute, 1008, c'est à la baisse. Ça baisse au lieu d'augmenter, alors qu'à ce moment-ci, en février, c'est la fièvre des séries. C'est des belles rivalités parce que tu as beaucoup de matchs entre Rivière-du-Loup et Jonquière, avec Thetford et Saint-Georges, avec Sorel et Trois-Rivières. D'ailleurs, on a Jonquière. 4 de ses 5 derniers matchs, c'est Saint-Georges, Sorel. 3 de ses 5 derniers étaient Trois-Rivières. Rivière-du-Loup également, qui a eu de bonnes rencontres avec Trois-Rivières et avec également Thetford. Ça devrait amener plus de monde dans les amphithéâtres. Et c'est le contraire. Même Jonquière, qui a une bonne équipe, qui lutte encore pour le premier rang avec les Éperviers, même s'il a, Jonquière, perdu ses 3 derniers matchs, 1200 au lieu des 17-1800 comme l'an dernier. Ils sont champions en titre saison, ils sont champions en titre série, puis ça fonctionne pas. Puis c'est pas qu'ils ont pas un beau calibre de hockey, puis c'est pas qu'ils ont pas une bonne machine de hockey. Donc, il se passe quoi? Est-ce qu'on aime mieux les Sags, puis quand on a décidé le même week-end, on va plus à Chicou ou à Jonquière, puis de ce temps-ci, ben, vendredi soir, t'avais Chicoutimi à Jonquière, puis samedi, t'avais Jonquière à Jonquière, puis ça va arriver pour les deux prochaines fins de semaine. C'est sûr que 18, tu vas prendre un 18 à quelque part, mais pas les deux 18$. Le fait que le Canadien, Gilles, connaît une saison de merde, tu sais, soyons honnêtes, là, ça va-tu aider, ça? Le Canadien pas dans les séries. Ouais. Mais sauf que le problème, c'est que le Canadien, il faut attendre méchante équipe plate jusqu'au 4 avril pour les voir en vacances. Ouais. Alors que dès le 9 mars, on commence les séries éliminatoires chez nous. Si c'est comme en ce moment, ce matin, Sorel va avoir Trois-Rivières. C'est une série facile de transport entre les deux villes. C'est souhaité. Ça amène 200-250 spectateurs de chaque ville dans la ville de l'autre. Ça, c'est bien. Okay. Jonquière est en deuxième. En ce moment, ben c'est Thetford. Malheureusement, ni l'un ni l'autre vont attirer des spectateurs. Puis l'autre série va être 3 versus 4. Ça va être Rivière-du-Loup ou Saint-Georges. Ça attire pas plus. Si ça avait été Saint-Georges-Thetford, là, ça aurait été bon également. Moi, je pense qu'il va falloir attendre à la demi-finale puis à la finale pour voir plus de monde dans les amphithéâtres. Mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Février, par les années passées, mais quand je regarde qu'il y a un bilan à peu près de 390 spectateurs de moins par match à Jonquière, c'est pas normal. Près de 300 du côté de Thetford, c'est pas normal. Partout, c'est pas normal. Il n'y a aucune équipe qui est en hausse de un spectateur. Elles sont toutes en baisse. OK. Ben, Gilles, la semaine prochaine, tu as dit de suite, j'attendais les Olympiques, mais là, c'est réglé. Là, je vais essayer de faire une table ronde après la semaine prochaine avec un journaliste pour savoir qui court un peu la ligue de la Mauricie, pour savoir un peu c'est quoi l'avenir du senior. Donc je vais essayer de faire ça. C'est pas cette semaine, la semaine prochaine, ça va être dans l'autre semaine ou prochainement. Donc on va. Ce que je peux te dire en terminant, c'est que la ligue senior 3A peut faire mal à certains points à la ligue nord-américaine, et c'est bon que la ligue nord-américaine se réveille et pense plus maintenant à jouer devant 800 à 1000 spectateurs plutôt qu'un 1200 et plus, parce que la ligue Seigneur 3A a eu une assemblée dernièrement. Ils avaient sur la table 10 demandes de franchise pour l'an prochain. Pas 2, pas 3, 10. Ils ont déjà 10 clubs. Vont monter à 12, 14 et 16 pour les 3 prochaines années. Elle est rentable. Elle vit bien. Elle est dans des petits marchés de 800 places de gradins. Et elle un employé à 8 piastres du ticket. Donc, est-ce qu'on doit penser à la Ligue nord-américaine dans les villes à 16, puis qu'on va à 17 et 18 en série? Peut-être couper la poire, puis jouer peut-être à 12 $. et peut-être Félicien, situé au 905 Boulevard Amel, numéro de téléphone. Il y a beaucoup d'études de marché à faire après avoir obtenu Dany deux nouvelles concessions. Et ils devront s'asseoir, les propriétaires, et y penser drôlement. T'entends-tu parler du commissaire en passant? Le commissaire, qui va remplacer Richard Martel? Est-ce qu'il y a des noms comment circuler? Il n'y a aucun nom. La saison va se terminer. Et on va laisser ça de même. Et si Richard Martel doit quitter en mars parce que la tangente veut qu'avec l'arrivée des séries le 9, il y ait possiblement M. Trudeau qui va annoncer des élections dans le Fjord. Si c'est le cas, c'est un comité de personnes au sein de la Ligue déjà nommée. Denis Leblanc, le bras droit, qui est préfet de discipline. Le responsable des officiels, Jim Chandick, qui vont continuer leur travail. Et à la place de Richard Martel, il y a un consortium dont deux personnes ont été nommées. Christian Deschênes, qui avait piloté le départ de messieurs Doré et Godin et l'arrivée de Richard Martel, va être là. Et Mme Cindy Simard m'a été mentionnée de Rivière-du-Loup et une autre personne qui pourrait être Marc Boivin du Saguenay. Donc, ces trois-là, pour les six, peuvent piloter la Ligue d'ici le 1er juin. Et là, aux assises annuelles, ben, ils devront, si Richard Martel a perdu ses élections, penser à lui redonner un autre contrat d'un an ou plus, parce que Richard Martel demande 3 ans, mais 2 ans d'option, et c'est logique, plutôt qu'une année à l'étude comme il a été fait. Sinon, ben ils pourront demander à des gens d'appliquer, mais je ne sais pas trop qui voudrait s'embarquer. S'il n'a pas les coups des franges et s'il ne peut pas y aller comme Gilles Courteau le fait, lui décide, les autres suivent. En ce moment, dans la Ligue nord-américaine, les six parlent, les six n'ont toujours pas la même idéologie, et c'est difficile pour le commissaire d'appliquer des choses. OK. Gilles, un gros merci. On s'en reparle prochainement. Merci. Bonne Gilles semaine. Péloquin, la chronique de la Ligue nord-américaine de hockey.